terreur. Ce soir-là, j'avais lu fort longtemps quelque auteur. Il était bien minuit, et tout à coup, j'eus peur. Peur de quoi? Je ne sais, mais une peur horrible. Je compris, haletant et frissonnant d'effroi, qu'il allait se passer une chose terrible. Alors il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile et nerveux. Et je n'entendais rien, cependant. Ô torture, de sentir qu'il se baisse à toucher mes cheveux, qu'il est prêt à poser sa main sur mon épaule, et que je vais mourir si cette main me frôle. Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près. Et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais ni fait un mouvement, ni détourné la tête. Ainsi que des oiseaux battus par la tempête, mes pensées tournoyaient, comme affolées d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre, et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents qui claquaient de terreur. Un craquement se fit soudain, fou d'épouvante, ayant poussé le plus terrible hurlement qui soit jamais sorti de poitrine vivante, je tombai sur le dos, roide et sans mouvement.